Chapitre 2e. Sir Graham m'avait installé dans une somptueuse demeure un appartement d'un ordre spécial. À travers des cloisons de bois sonores, des musiques s'y faisaient entendre, des courants électriques, dont les conducteurs étaient dissimulés avec soin, passaient autour des meubles et notamment sur une estrade où était dressé un lit céleste. Le docteur Graham avait établi toutes ces choses dans un but humanitaire, mais au moins original. C'était le rendez-vous de ses époux envers lesquels la nature s'est montrée peu prodigue, ou qui, par suite de dissidences domestiques ou d'incompatibilité d'humeur, en étaient venus à négliger les devoirs les plus sacrés du mariage. En ce séjour, grâce à la science et aux adjuvants de toute nature que mettait en œuvre ce nouveau Fontana Rose, les causes les plus désespérées triomphaient et les joies de leur réconciliation faisaient oublier les mécomptes antérieurs. Ainsi, par les soins du bon docteur, se raffermissaient des liens parfois prêts à se rompre. Sir Graham, pour assurer le succès de son entreprise, avait souvent recours à des apparitions. Il comprit à l'aspect d'Emma Hart tout le parti qu'il pouvait tirer de tant d'avantages. Incontinent donc, il l'engagea dans l'affaire qu'il dirigeait. Elle accepta de jouer auprès du lit céleste, sous des voiles légers et transparents, le rôle de la déesse Iji, celle qui présidait la santé chez les gentils. Il prétendit que la vue d'Emma suffisait pour guérir. L'on se demande comment Sir Graham put amasser une fortune énorme en s'en tenant à ce programme. Il y a donc lieu de croire qu'il en dépassa les termes. Il y eut une affluence extraordinaire. Les riches ennuyés de Londres et des comtés environnants accoururent pour admirer la mystérieuse jeune fille. Les artistes les plus célèbres vinrent immortaliser ses traits expressifs et ses poses de charmeresse. Romney, entre autres, en devint éperdument épris, l'arracha par un nouvel enlèvement au digne docteur et multiplia les portraits de la déesse Iji. Mais Emma le quitta bientôt pour un amant de haut parage, Sir Charles Grenville, l'un des descendants de la famille de Warwick et qui était le neveu de Sir William Hamilton. Elle se sentit dès lors emportée vers des destinées plus brillantes. Et, soit par un attachement plus sincère que ceux qu'elle avait ressentis jusqu'alors, soit par de profonds calculs d'ambition, soit par lassitude de sa vie désordonnée, elle changea totalement de conduite et d'usage et sut persuader à Sir Grenville qu'elle n'avait jamais cessé d'être ce qu'on est convenu d'appeler un ange. Elle eut de lui 3 enfants. Sir Charles se déterminait à l'épouser lorsqu'il songea que ses revers de fortune ne lui permettaient pas d'être un prévoyant. Il lui restait la ressource de s'adresser à Sir William Hamilton, et connaissant les qualités insinuantes et persuasives d'Emma, le jeune homme l'envoya vers lui comme une ambassadrice éplorée, à cette fin d'obtenir un secours d'argent tout d'abord, et ensuite le consentement de la famille à son mariage. À partir de cet instant, l'étoile de cette femme sortit des ombres et commença de resplendir d'un insolite éclat sur l'Italie et l'Angleterre. Emma Hart était à cette époque une femme de 28 ans. Les portraits la représentent d'une taille svelte, d'un visage délicieux, encadré de magnifiques cheveux blonds et pâles comme les cygnes du Nord. L'expression de ses yeux bleus et enfoncés est quelque chose d'étrange qui opprime le souvenir. Les récits du temps ajoutent que c'était l'une des plus gracieuses femmes du monde entier et que le son de sa voix pénétrait le cœur d'une façon irrésistible. Ses manières étaient d'une distinction parfaite et les talents divers qu'elle avait su acquérir à travers les hasards de sa vie en faisaient une véritable enchanteresse. Sir Hamilton, en accueillant la fiancée de son neveu, fut immédiatement subjugué par Emma Hart. Il s'empressa de subvenir au désastre qui avait frappé Sir Grenville et ne voulut point se séparer de l'ambassadrice. Saisi d'une passion exceptionnelle, non seulement il refusa le consentement du mariage que son neveu lui demandait, mais 3 mois après, en 1791, il épousa lui-même la jeune Miss. Or, Sir William Hamilton était frère de lait du roi George IV, père et ambassadeur d'Angleterre. Emma Hart, maintenant Lady Hamilton, sut par la réserve de son maintien se faire recevoir à la cour d'Angleterre, et quand les fonctions de son mari l'amenèrent dans le royaume des deux Siciles, elle excita immédiatement la sympathie la plus douce dans le cœur de la reine Caroline Marie. Celle-ci l'associa bientôt à toutes ses fêtes et à ses soupers intimes, où Emma, se rappelant les poses qu'elle avait essayées chez Sir Graham et devant Romney, les recommença devant la reine en y ajoutant les danses du châle et de la bacchante qui transportèrent d'admiration et de plaisir sa royale amie. Jusque-là, l'existence de Lady Hamilton s'était passée à conquérir l'amour de ceux qui l'approchaient. Lassée d'allumer des passions qui ne suffisaient plus à la distraire, elle résolut de dominer politiquement et de diriger les intrigues compliquées et dangereuses de la cour de Naples. Lorsqu'elle se fut rendue compte de l'influence toute spéciale qu'elle pouvait exercer sur l'esprit de la reine Marie, elle sentit qu'elle devait s'illustrer au milieu des événements qui menaçaient et leur imposaient le pli de sa volonté. En effet, la situation politique était des plus extraordinaires. Ferdinand IV, roi des deux Siciles et de Jérusalem, ayant épousé Marie-Caroline d'Autriche, avait presque totalement résigné entre les mains de la reine le soin des affaires. Une clause de son contrat de mariage stipulait d'ailleurs qu'à la naissance du premier enfant, la reine aurait voix délibérative au conseil. Elle avait donné le jour au duc François de Calabre et l'archiduchesse Clémentine. Le roi, depuis longtemps, ne conservait plus que le fantôme de son autorité. C'était un homme d'une faiblesse et d'une incapacité rare qui préférait passer le temps en partie de chasse ou en rendez-vous de plaisir. D'autre part, quelques années après son mariage, la reine avait distingué dans une revue navale un officier de marine nommé Joseph Acton, qui était devenu bientôt son favori. C'était un Français né à Besançon. Son père était un obscur médecin d'Irlande. Doué d'un esprit énergique et aventureux, Acton s'était fait remarquer déjà par un succès militaire. Il avait sauvé, dans l'expédition de Charles III contre les barbaresques, la vie de 5000 Espagnols et leurs vaisseaux. Ce fait d'armes les avait mis en renom auprès de la reine Marie. 6 mois après sa présentation à la cour, il remplissait dans l'État le poste le plus élevé, celui de Premier ministre, après l'éloignement de son prédécesseur, le marquis de Tanucci, dont il avait promptement ruiné le crédit. Son début dans la carrière diplomatique fut de conquérir d'un trait de plume à la couronne des deux Siciles toutes les citadelles du Piémont. Ce coup d'éclat le rendit célèbre. Étant le confident le plus intime de la reine, ses aptitudes et son activité le faisant indispensable au roi Ferdinand, il devint la tête du royaume et manœuvra politiquement d'une façon toute puissante d'après les sentiments de haine qu'il portait à la France, sa patrie. Il croyait avoir à se plaindre de l'hospitalité qu'il en avait reçue autrefois. En toutes circonstances, il se déclara notre ennemi, essayant de légitimer ses actes sous le prétexte que les intérêts du pays qu'il représentait maintenant s'opposaient à ceux de la France. Aussitôt l'apparition de Lady Hamilton, il comprit qu'il trouverait en elle une auxiliaire de haute valeur et sut gagner très vite l'amitié de l'ambassadrice.